Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Lire en Bulle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que j'ai beaucoup aimé. C'est un seinen, c'est sorti chez Pika. Pour le moment, il y a 7 tomes. Je vais vous parler de Namiyo Kitekure, alias en France Born to be on Air. Alors, pour vous remettre en contexte, je vais vous lire le synopsis qu'on peut trouver derrière le premier tome. Enregistrée à son insu lors d'une soirée arrosée, Minare Koda, serveuse dans un resto, découvre le lendemain sa voix sur les ondes d'une station radio populaire. Bien que folle de rage, le directeur d'antenne, auteur de la duperie, la convainc de changer son destin et de faire une entrée fracassante dans le monde de la radio. Et rien que le speech m'a motivé, parce que je suis un fan de radio. Je pense que j'écoute la radio matin, midi et soir. J'écoute plusieurs chaînes de radio, des chaînes d'infos généralement. Je suis un vrai vieux con pour ça, vous pouvez pas savoir comment. Et j'ai toujours voulu faire de la radio parce que c'est quelque chose qui me transcende et que j'aimerais bien, en fait, être derrière un pupitre, peut-être être en direct, discuter, prendre des auditeurs comme ça. Et voilà. Et donc, c'est la principale raison pourquoi j'ai acheté ce manga. Mais il y a quelque chose qui se trouve derrière juste ça. C'est que on peut voir donc cette forte tête pouvoir avoir une émission, et on apprend tout le mécanisme de création d'une émission et ce qui se passe, parce qu'en fait quand on fait de la radio, il faut, au Japon, il faut être sponsor, il faut trouver un sponsor qui te permette de financer ton émission, avoir un budget, et en fait c'est pas le... Et ça, c'est des choses qu'on sait pas forcément et compagnie, ou à moins que tu amènes pas mal d'argent avec toi. Et c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on explore un peu rapidement là-dessus, on explore un peu les thèmes d'émission, également tout ce qui est style programmation, et voilà. Après, à part ça, l'héroïne est vraiment attachante, parce que elle est... Minare est un personnage... Pas super vieille, faut pas dire ça comme ça, mais elle commence à arriver à un âge dans la vision japonaise, elle devrait être mariée et compagnie, et chose qui n'est pas encore le cas. Et en fait, on la suit et voilà, elle vient de se faire larguer par son petit copain. Son enregistrement, on a parlé à un inconnu dans un bar et ça a été pris à son insu. Et elle veut se défendre. Et puis après, elle a un style. Elle arrive à travailler son texte et compagnie. Chose qui a étonné le directeur de la radio. Et c'est pour ça qu'il lui propose une émission. Une première émission qui sera en plein milieu de la nuit. À une écoute à 2h30 du mat ou 3h du mat, et c'est vraiment quelque chose qui est sympathique. Elle ne sait pas vraiment, est-ce qu'il faut qu'elle continue de travailler dans son resto, est-ce qu'elle doit aller à la radio. Enfin voilà, c'est un vrai manga tranche de vie comme je les aime, et à ça on rajoute un style graphique extraordinaire avec les dessins qui valent vraiment le coup et le détour. C'est vraiment si je dois le noter, c'est vraiment un style que j'adore, un style reconnaissable, parce que ce style de dessin, cet attrait m'avait motivé, me disait mais putain, ça me parle, j'adore, il faut absolument que je le lise. Et après, en fait, j'ai appris que le mangaka, qui est Hiroaki Samura, avait fait quelques années avant, bien des années avant, avait fait L'Habitant de l'Infini, donc Mugen no Jonin, qu'on a pu revoir dans un animé refait à neuf sur Prime Video, et qui est extraordinaire. Si vous n'avez pas vu l'animé sur Prime Video, foncez. Si vous n'avez pas lu L'Habitant de l'Infini, foncez. C'est un excellent seinen également. Et voilà, donc entre le graphisme qui est à couper le souffle, parce que le mangaka a un style unique qui est vraiment extraordinaire, et après on voit le scénario qui a une tranche de vie qui pourrait être pour certains banal, parce que bon, c'est vrai que du tranche de vie il y en a pour tous les sauces, Mais voilà. Et le fait qu'on rajoute un élément qui n'est pas forcément très connu du grand public, qui est comment fonctionne la radio, ça amène à quelque chose qui est juste génial. Et à savoir que le manga a une adaptation en animé faite par les studios Sunrise, qui est sorti entre le 4 avril et le 20 juin 2020. Et on peut le voir en France sur la plateforme Wakanim. Donc voilà. C'est un manga que je conseille fortement. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas à vous abonner sur Wakanim pour regarder. En même temps, il y a d'autres excellents mangas animés comme Goblin Slayer, par exemple, sur Wakanim. Donc vous pouvez prendre un abonnement de un mois facile pour regarder tout ça. Et puis après, n'hésitez pas à acheter le manga parce que je pense que c'est un must-have à voir. Et voilà, si vous aimez encore une fois Hiroaki Samura avec les dessins de l'habitant de l'infini, vous allez forcément aimer ce graphisme et cette histoire. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter bien plus que cela. J'ai déjà dit pas mal de choses. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve très très bientôt dans un nouveau Lire en Bulle.